Sì, facilmente sia la info vocoder. Ok. Oggi sì. Ça veut dire que vous êtes drummer. On va faire pareil alors. Thank you.